dois-tu laisser faire doucement qu'on verra bien demain. Et nous y sommes ce soir, enfin nous voilà demain. L'heure de savoir s'il est gentil, gagne la fin. Gagne la fin. Bye.